إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل بحول الله جل وعلا وبتوفيقه دراستنا في سيرة نبي من أنبياء الله عز وجل، ألا وهو نبي إبراهيم عليه السلام ورسوله، وهو من أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc on va continuer sans plus attendre en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans cela sur la vie d'un des prophètes parmi les prophètes d'Allah, parmi les envoyés d'Allah, et qui fait partie de Ulul Azm, des cinq messagers doués de résolution, d'une traduction approchée, min Ulul Azm, Nabiullah, min Anbiya Illahi Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam. Donc on continue sur la vie d'Ibrahim alayhi salam, et on s'est arrêté là, dans la dernière assise, la fois dernière, sur cet événement, ce fait qui est mentionné dans le Coran, et on retrouve des versets dans le Coran qui nous relatent ce fait, lorsque Ibrahim alayhi salam avait détruit, cassé des idoles et des statues de son peuple, justement qui s'adonnait à l'adoration d'idoles. Alors il a cassé leur divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous relate ce fait et cet événement. Donc Ibrahim, lui, avait attendu que les gens de son peuple sortent. Et donc alors qu'ils avaient tourné le dos, ils étaient sortis, lui pendant leur absence, alors il a cassé leur divinité. Et il a laissé une qui était la plus grande. Il a laissé une qui était la plus grande. Et ensuite, il nous est rapporté, donc dans les versets, lorsque vous lisez, ensuite Allah Jalla wa Ala nous informe qu'ensuite lorsqu'ils sont revenus, donc ensuite son peuple ont découvert que leurs divinités ont été détruites. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Et donc là, ils se sont posé la question, mais qui est-ce qui a fait cela avec nos divinités? Qui est-ce qui les a détruites? Alors, là, des gens sont venus et ils disent, nous avons entendu un jeune. Donc, il sous-entendait Ibrahim. Donc, à l'époque, Ibrahim était jeune, fata. Donc, c'était un fata, il était jeune. Et ils disent, nous avons entendu parler d'un jeune qui s'appelle, qui se nomme Ibrahim. يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Alors ils avaient entendu parler de ce jeune homme critiquer leur dieu, leur divinité, et ils ont dit s'appeler Ibrahim. Alors lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont tout de suite posé la question, comme on l'a dit, qui a osé commettre ce sacrilège à l'encontre de nos dieux, de nos divinités? Et là, alors, ils ont fait allusion à Ibrahim alayhi salam. Faqalu fa'tu bihi ala a'yuni an-nas. Faqalu fa'tu bihi ala a'yuni an-nas la'allahum yashhadun. Et de là, ils ont demandé qu'on ramène Ibrahim, et cela devant la foule. Devant la foule, crièrent-ils pour qu'elle apporte son témoignage contre lui. Et donc lui, Ibrahim, lorsqu'il avait fait cela, donc bien sûr, il s'attendait. Il s'attendait à cette réaction et qu'ensuite qu'il soit ramené. Donc lui, Ibrahim, s'attendait au retour de son peuple. Lorsqu'ils vont voir que leurs fausses divinités ont été détruites, il s'attendait qu'ensuite qu'ils viennent le chercher. Donc ensuite, ils ont ramené Ibrahim, alayhi salam. Et cela devant la foule, comme ça nous est mentionné dans les versets. Et de là, Ibrahim, il lui pose la question, qui est-ce qui a fait cela? Qui est-ce qui a détruit nos divinités? Interrogèrent-ils Ibrahim alayhi salam. Alors, Ibrahim leur répondit, interrogez la plus grande. Interrogez donc la plus grande, si elle peut parler, si elle peut communiquer, si elle peut proférer des paroles. Et de là, certains exégèses, certains grands spécialistes dans l'interprétation des versets, certains rapportent que Ibrahim alayhi salam, pour éviter de mentir, et Ibrahim, même dans ces situations-là, évitait et voulait à tout prix éviter le mensonge pour ne pas mentir même dans cette situation-là, alors que là, Ibrahim, lorsqu'il leur dit Interrogez la plus grande, peut-être qu'elle pourra vous dire quelque chose, c'est dans le sens, interrogez-la. Et voulez leur faire montrer que ce qu'ils considèrent comme Dieu et comme divinité, ce qu'ils prennent comme adoré, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut même pas parler. Donc ne peut même pas parler et n'a pas pu défendre ces divinités-là. Donc votre adoration et votre culte est une sottise et stupide et vous adorez des divinités qui ont en réalité aucun pouvoir alors que vous, vous leur prétendez des pouvoirs. Et vous les adorez alors que eux-mêmes ne peuvent ni nuire et ni être profitables. Et donc Ibrahim veut les mener vers cette réflexion. Cette réflexion. C'est pour cela même qu'on verra qu'ensuite, après ça, cette réflexion-là, à un moment donné, ils vont avoir un instant où ils vont reprendre leur esprit et revenir à la raison. Mais ça va durer qu'un instant. Ça va durer qu'un moment court. Donc lui, Ibrahim veut les appeler à la raison. C'est pour ça qu'il leur dit, demandez donc à la plus grande. Donc il fit montrer du doigt la plus grande. Et certains spécialistes, certains exégètes disent que Ibrahim leur a fait montrer avec le pouce. Avec le pouce, donc cette divinité. Avec le pouce. Et ici, dans le sens, Ashara bil Ibham. Ashara bil Ibham. Donc, ils ont dit qu'il a montré avec son pouce. C'est-à-dire, ici, le doigt le plus élevé. Le plus élevé. De sorte que, lorsque, par exemple, vous prenez avec votre main un bâton, on vous tenez par exemple quelque chose avec votre main, par exemple comme un bâton. Lorsque vous allez le tenir, on va se rendre compte que le pouce c'est le doigt donc le plus élevé, le plus haut des doigts. C'est avec le pouce on va tenir, avec le pouce on va bien maintenir par exemple la lance ou le bâton. De ce fait, certains expliquent de sorte que le doigt le plus élevé est le pouce à ce moment-là. Et là, Ibrahim aurait montré justement cette grande statue avec le pouce en lui disant c'est. Il fait montrer ce doigt-là, c'est le plus grand de ses doigts, avec quoi il l'a cassé, il a cassé ses fausses divinités, et en leur faisant montrer la plus grande divinité. Ça, c'est une interprétation qui a été donnée. Ensuite, donc Ibrahim les fait venir, les ramène vers un raisonnement, en leur disant, c'est la plus grande, demandez-lui si elle peut proférer une parole, si elle peut parler. De là, comme on a dit précédemment, après un instant de réflexion, ils se sont remis à, en réalité, ils ont fait leur propre autocritique en disant, فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. En quelque sorte, ensuite, alors s'étant concertés, ils se dirent, après tout, c'est nous qui étions dans l'erreur. Mais ça dure un instant, puis, brusquement, ils ont changé d'avis. Et ils dirent, tu sais bien que les idoles ne parlent pas. Et donc ils s'adressèrent à Ibrahim en lui disant, mais tu sais très bien. Enfin, dans le verset, il dit, et lorsqu'ils sont revenus brusquement de leur avis, alors ils lui ont dit, tu sais très bien, tu sais très bien que ces idoles ne parlent pas. Alors Ibrahim leur dit, bah, comment pouvez-vous alors adorer en dehors d'Allah des divinités qui peuvent ni vous être utiles, ni vous nuire? Et là, Ibrahim leur dit, Uffin lakum, walima ta'buduna min dunillah, afala ta'qilun. Et là, il leur dit cette parole forte, Uffin lakum, fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, n'êtes-vous donc pas raisonnable? Et c'est là qu'ensuite qu'ils prirent la décision en disant, Qalu, harriquhu wansuru alihatakum, in kuntum fa'ilin. Et c'est là qu'ensuite qu'ils ont donné l'ordre. Jetez-le dans le feu, jetez-le au feu, s'écrièrent les idolâtres, faites triompher vos dieux, faites triompher vos idoles si vous avez la volonté de les défendre. Donc regardez face, regardez comment c'était disproportionné, regardez cette injustice, alors que Ibrahim avait juste cassé des idoles, des fausses divinités, à savoir que ces fausses divinités, elles étaient façonnées, c'était des fausses divinités de bois. Façonnées de bois, elles étaient faites, fabriquées de bois ou bien de pierre. Donc c'était des bouts de bois ou c'était de la pierre en réalité leur fausse divinité. Donc elles étaient faites à base de pierre ou bien de bois. Donc le fait que Ibrahim hattam al-Aliha, le fait qu'il les a détruites, il a juste en réalité détruite leur fausse divinité, mais qui? À leurs yeux, alors que c'était juste du bois ou de la pierre, pour eux, à leurs yeux, c'était plus que ça. C'était ce qui divinisait, ce qu'ils adoraient. Ils vouaient un culte, ils avaient des convictions envers ce bois ou bien cette pierre. Et de là, regardez comment c'est démesuré, alors que lui détruit cela, eux, ils ordonnent ensuite qu'ils soient brûlés. Et donc là, ils appellent les foules. Et les exégètes nous disent que pendant un long moment, ça fut pendant une période qu'ils ont amassé le bois. Donc ensuite, il fallait amasser le bois. Et même dans l'histoire, certains spécialistes rapportent qu'ils ont creusé un grand trou. Donc ils ont creusé un grand trou et ensuite ils commençaient à réunir le bois. Le bois ensuite pour allumer ce feu. Donc ce n'était pas un petit feu qu'ils allaient faire, mais c'était vraiment un grand feu qu'ils allaient faire. Et de là, donc, ils réunissaient le bois et il est dit que ça a pris un certain moment jusqu'à ce que même Ibn Kathir nous relate que même la femme, il y avait des femmes qui étaient malades, elles faisaient le vœu que lorsqu'elles guérisseraient, lorsqu'elles vont connaître la guérison et lorsqu'elles vont guérir, alors elles ont fait le vœu qu'elles iraient chercher le bois pour justement attiser ce feu. Attiser ce feu. Donc c'était tout le monde qui s'y mettait, puisque c'était un peuple idolâtre et tous étaient contre Ibrahim alayhi salam. Donc je vous laisse imaginer l'épreuve d'Ibrahim alayhi salam. C'est une grande épreuve. Alors qu'ils sont en train de réunir du bois pour allumer un grand feu, un énorme feu, pour ensuite jeter Ibrahim. Et de cette manière, pour eux, ils allaient secourir leur divinité. Et de cette manière, ils allaient faire triompher leur divinité de ce fait en jetant Ibrahim dans le feu. فيقول الحافظ ابن كثير وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنه من الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له فمكثوا مدة donc comme le relate Ibn Kathir, il dit donc ils ont commencé donc à réunir ce bois et ça a pris un certain temps. Et ils ont réuni tout le bois qu'ils pouvaient réunir. Et à un moment donné, donc lorsque ce feu était prêt, donc ils ont fait venir Ibrahim. Donc les gens qui étaient tout autour étaient des idolâtres et comme on l'a dit, tous contre Ibrahim alayhi salam, alors que lui, Ibrahim, était un jeune homme. C'était un jeune, comme il est mentionné dans le verset, fatan. C'était un fatan. Et donc un jeune homme. Et tous ces idolâtres donc attendaient que Ibrahim soit jeté dans le feu. Et c'est donc c'était une grande épreuve. Et même certains relatent que son père aussi était présent. Son père était présent et n'a pas défendu son fils. Donc regardez les convictions qu'ils avaient envers leur divinité et leur faux dieu. Regardez les convictions. Alors que pour juste des divinités qui ont été détruites, pour eux, c'était un sacrilège. Et pour eux, ici, Ibrahim avait commis en quelque sorte l'irréparable, quelque chose d'irréparable. Donc sa sentence, ça devait être d'être jeté dans le feu. Donc c'était une sentence qui était démesurée. L'important ensuite, alors, ils amenèrent Ibrahim, alayhi salam. Et Ibrahim, certains spécialistes rapporte qu'ils ne pouvaient pas le jeter eux-mêmes directement. Ils ne pouvaient pas le jeter eux-mêmes directement du fait que ce feu était tellement grand, c'était un feu énorme, alors si ils le jetaient eux-mêmes, allaient se brûler. Donc certains rapportent dans certaines versions, à certaines variantes du récit, qu'ils auraient construit une sorte de catapulte, ensuite ils leur attachaient et jetaient dans le feu. À ce moment-là, regardez la parole de Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam à ce moment-là, alors qu'il est face à cette épreuve? C'est pour ça, dans un hadith, le prophète alayhi salam nous dit, hein, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ashad al-bala, al-anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal. Donc les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Donc regardez ce que dit Ibrahim à ce moment-là. Hasbi Allah. Et lui, il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allah me suffit. Alors qu'il est attaché et jeté ensuite dans ce feu, lui s'en remet complètement à Allah subhanahu wa ta'ala et il dit cette célèbre parole, Hasbi Allah. C'est pour ça que vous retrouvez même dans le tafsir, Abdallah ibn Abbas nous rapporte que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux prophètes, que ce soit le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les prières la paix soient sur lui, ont eu la même réaction face à une grande épreuve. Et Abdallah ibn Abbas nous relate, il nous dit, lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, alors il dit cette parole, Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil, wa ni'ma al-wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Et il dit de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a eu, il était face à une épreuve terrible, le fait que lorsqu'on lui a rapporté cette information, que les tribus arabes s'étaient réunies contre lui. Que les tribus arabes s'étaient réunies contre lui et voulaient justement les attaquer. Et là, le prophète, lorsqu'on lui a dit ça, le prophète, la réaction, c'était de dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil »« Qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbi Allah wa ni'mal wakil » Lorsque les gens sont venus au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire « Les gens se sont réunis contre vous, craignez-les » Mais cela, Allah Jalla wa Ala dit, n'a fait qu'accroître leur foi, leur iman, et ils ont dit, Allah nous suffit, et quel bon garant. Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Et vous avez vu là, la même parole, la même réaction des deux prophètes d'Allah, des deux envoyés d'Allah, Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, face à cette situation difficile. Et donc lorsque Ibrahim ensuite fut jeté dans ce feu, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu, subhanahu wa ta'ala par exemple, ordonner à l'ange par exemple de la pluie de faire tomber une pluie diluvienne sur eux, et aussi pour éteindre ce feu, ou bien à l'ange de faire tomber des montagnes, casser des montagnes sur eux, ou descendre à châtiment sur les idolâtres. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala va faire une chose, va décréter que le feu devint froid et salam et paix pour Ibrahim alayhi salam. Allah va décréter cette chose. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui secourt ses serviteurs. Et on va déduire, donc les savants déduisent de cette histoire que, regardez, celui qui s'en remet réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il sera éprouvé, regardez cette difficulté, cette épreuve qu'a subi Ibrahim alayhi salam, mais la finalité ensuite, Allah jalla wa ala va lui accorder une bonne finalité et va lui accorder son soutien et le secours. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans le verset, justement, Allah dit Qulna ya nar, ô toi, nous avons dit au feu, Qulna ya nar, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah dit au feu, nous avons dit au feu, kuni bardan wa salama, deviens ou sois froid et paix pour Ibrahim. Et donc ce feu n'atteint pas Ibrahim, de sorte que n'a pas brûlé. Ibrahim fut jeté dans le feu, mais ce feu n'a pas brûlé Ibrahim. Ensuite, après cette épreuve, le peuple, ces idolâtres, verront ce miracle immense, parce que si vous imaginez la scène et la situation de l'époque, ensuite c'est un miracle lorsqu'ils vont voir que ce feu n'a pas brûlé Ibrahim et que Ibrahim est sorti indemne, est sorti sain de ce feu. Et donc il n'a pas été brûlé comme eux l'auraient espéré. Donc eux, ils espéraient que Ibrahim ensuite soit brûlé. Mais Allah Jalla wa Ala a sauvé Ibrahim. Donc cela aussi fut un miracle pour eux et un signe évident lorsqu'Allah Jalla wa Ala a sauvé Ibrahim. Mais malgré cela, ils n'ont pas encore des fois au message de Ibrahim. C'est pour ça dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit wala in ataita, et si tu venais à eux avec toutes les preuves, ils ne te suivront pas. Et Allah dans ce verset s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wala in ataita alladhina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Et si tu venais à eux, aux gens du livre, avec tous les signes, tous les miracles, ils ne te suivraient pas, ils ne suivraient pas ta qibla, ils ne suivraient pas ton orientation. Bi kulli aya. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit bi kulli aya, avec tous les signes. Wala in ataita alladhina utul kitab bi kulli aya. Et si tu venais à eux avec tous les signes. Ma tabi'u qiblatak. Ils ne suivraient pas ton orientation. Et comme cela, on a d'autres versets aussi qui nous illustrent cela. C'est pour ça qu'il y a des peuples, comme en l'occurrence le peuple d'Ibrahim, ils ont vu des signes, ils ont vu des miracles, mais ça n'a pas été la cause de leur croyance pour beaucoup. Ça n'a pas été la cause de leur soumission à Allah et de leur acceptation de la vérité, tout simplement. Et donc c'est pour ça, vous regardez dans différents peuples, regardez Isa alayhi salam, les signes qu'il a apportés à son peuple, les miracles, les prodiges qu'a fait Isa, qu'a accordé Allah Jalla wa'ala à Isa alayhi salam, mais pourtant beaucoup sont restés incrédules et beaucoup n'ont pas cru en Isa alayhi salam. Regardez Moussa alayhi salam, et regardez à l'époque de Moussa, il y a un épisode très explicite dans le sens et très illustrant le fait qu'à un moment donné, le peuple était touché par de nombreuses calamités. Alors à un moment, il y a eu une invasion de sauterelles et les gens n'en pouvaient plus. Alors ils demandaient à Moussa d'invoquer son Seigneur et Moussa invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils étaient soulagés. Ensuite, ils ont eu des invasions, comme il a rapporté, de dèmes, de sang. Ils ont eu cette calamité, ils ont eu une invasion de grenouilles. Donc ils ont eu des épreuves, des calamités qui se sont abattues. Et à chaque fois, ils demandaient à Moussa alayhi salam, d'implorer le Seigneur pour qu'Allah, Jalla wa Ala, les délivre de cela et les délivre de cette souffrance. Et à chaque fois, Moussa invoquait. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala les délivrait et les soulageait de cette calamité, mais c'est pas pour autant qu'ensuite ils ne revenaient pas dans leur incrédulité. Et beaucoup de gens restaient dans leur incrédulité. Et c'est pour cela que cet épisode, ce fait qui nous est rapporté de la vie d'Ibrahim alayhi salam, c'est quelque chose à méditer. Il y a des gens à l'heure actuelle, vous pouvez leur apporter toutes les preuves. Leur mettre toutes les preuves de vérité face à eux, ils n'accepteraient pas la vérité. Même si toutes les preuves étaient devant eux. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque on voit que soi-même on accepte la vérité, il faut remercier Allah pour ce bienfait, parce que c'est un bienfait qui est immense et inestimable. Combien de gens, depuis les premières générations, les preuves claires et évidentes ont été exposées face à eux, mais malgré cela, ça ne les a pas fait croire. Et ensuite, plus tard, dans les faits et les événements qui se sont produits dans la vie d'Ibrahim, alayhi salam, donc ensuite on verra que Ibrahim quittera les idolâtres, quittera ce peuple et il va faire ce qu'on appelle al-hijra, l'émigration. Et donc Ibrahim ensuite, plus tard, se dirigera, comme on l'a déjà précisé dans les assises précédentes, vers la Palestine. Et Ibrahim s'installera justement en Palestine. Et parmi les faits, les événements grandioses qui se sont produits à son époque, qui fait partie aussi des épreuves que Ibrahim a subies aussi, a endurées, a vécues. Cette épreuve, lorsque, à un moment donné de sa vie, nous est relaté qu'il est rentré à Misr, en Égypte. Donc après un voyage, il rentra en Égypte. Et en Égypte, il a entendu dire, et à l'époque il y avait un roi, un tyran, injuste, qui commettait des abominations. Et ce roi, à chaque fois qu'un homme rentrait avec son épouse, alors il prenait son épouse. Il prenait l'épouse, la femme de cet homme. Et si l'épouse lui plaisait, ensuite l'homme était tué. L'homme était tué et ce roi, donc ce tyran, attentait en quelque sorte à la pudeur des femmes. Et de ce fait, Ibrahim avait entendu cela. Et lorsqu'il rentra en Égypte, par peur, justement parce qu'Ibrahim ne pouvait rien faire, alors il s'est mis d'accord avec son épouse, puisqu'il avait émigré, il était sorti, il voyageait avec son épouse. Puisque plus tard ensuite, Ibrahim s'est marié avec une femme qui s'appelait Sarah, donc il s'est marié avec elle, il a même fait l'émigration avec elle. Et c'est avec Sarah, sa première épouse donc, qu'il s'installera en Palestine. Dans cet événement qui nous est relaté de la vie d'Ibrahim, donc il était en Égypte avec justement son épouse Sarah. Et lorsqu'il est rentré en Égypte, donc, il dit à son épouse que si on l'interroge à son sujet, qu'elle doit dire, qu'elle dise qu'elle est sa sœur. Qu'elle est sa sœur et que lui est son frère. Et à l'époque, vous savez, il n'avait pas d'enfant. Pourquoi ? Parce que comme on le verra, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il n'avait pas d'enfant avec elle. Et là, regardez dans cette situation. très compliqué, très difficile. Regardez, Ibrahim, même à ce moment-là, essayait d'éviter au maximum le mensonge, de ne pas mentir, malgré qu'il est dans une situation de contrainte, de contrainte. Et là, c'était dans le sens que, à l'époque, il y avait qu'eux qui étaient croyants. Comme certains exégètes et certains spécialistes relatent, il y avait qu'eux qui étaient croyants. Même à un moment donné, ils disent que lorsque certains, dans certaines versions, disent que lorsqu'il avait émigré Ibrahim, il était en compagnie de Sarah et en compagnie de Lot. Lot, qui sera prophète, hein, le prophète Lot, qui était le fils de son frère. Donc Lot était le neveu de Ibrahim, alayhi salam. Et que les seuls croyants qu'il y avait, c'était ces trois. Sarah, wa Lot, wa Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur eux. L'important, on revient à cet événement qui est relaté de la vie d'Ibrahim lorsque, dans l'un de ses voyages, il est rentré en Égypte. Donc il dit à Sarah que si on l'interroge, qu'elle dise que c'est sa sœur et que lui, c'est son frère et que lui dirait la même chose. En sous-entendant le sens de cela, ça serait que c'est sa sœur en religion. Puisque c'était des croyants, et c'était les seuls croyants qu'il y avait à l'époque. Donc effectivement, ensuite, l'armée, les soldats de ce roi sont venus et ont pris Ibrahim. Ont pris Ibrahim et ils ont pris sa femme. Et ils ont ramené Sarah au roi. Au roi. Et là, il est rapporté que lorsque le roi a essayé d'attenter à la pudeur de Sarah, alors elle a invoqué Allah. Regardez la réaction des véridiques. Regardez la réaction des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala face à cette épreuve qui nous est relatée. Regardez, Sarah a invoqué tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite, elle s'en remet à Allah. Elle ne pense pas à autre chose. Elle s'en remet tout de suite, sans hésitation, à son Seigneur. Et elle demanda la protection d'Allah contre celui-ci en disant A'udhu billah minka. A'udhu billah minka. Je demande la protection d'Allah contre toi. Et donc, lorsque ce roi, ce tyran, s'approchait d'elle pour attenter à sa pudeur, donc tout de suite, elle se réfugia. Pourquoi? Parce que elle istirada, quand l'insan yasta'idh billah, quand il dit a'udhu billah, par exemple, min ash-shaytan, ou min fulan, ou d'un tel, lorsqu'on dit cela, a'udhu billah, on recherche la protection, c'est dans le sens al-taji. Al-Taji, c'est l'iltija, ila. En arabe, c'est l'iltija, ila. Donc la demande de protection, c'est dans le sens Al-Taji, ilaik. Je me réfugie auprès de toi. Donc lorsque vous dites par exemple, A'udhu billahi minash shaytan, je cherche protection auprès d'Allah contre le shaytan, contre le diable, vous vous réfugiez en quelque sorte auprès d'Allah, contre le démon, contre le shaytan. Donc le sens de A'udhu billah, c'est l'iltija. Elle est l'iltija. Donc, elle s'est réfugiée auprès d'Allah. Donc, elle a cherché refuge. Elle a cherché protection, préservation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, de son côté, Ibrahim alayhi salam, il est rapporté que lui priait. Donc, face à cette épreuve, il priait. Donc, il a rapporté qu'il priait. Et c'est pour ça que les savants nous disent que c'était même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa salam plus tard. Le prophète que lorsqu'il était affligé, lorsqu'il était touché par une difficulté, alors il cherchait refuge auprès de deux unités de prière, c'est-à-dire qu'il allait chercher refuge auprès d'Allah à travers deux unités de prière. Deux unités de prière, et il faisait deux unités de prière, et cela apaise face aux épreuves. Donc c'est une sunna de faire deux unités de prière, de prier lorsqu'on est touché par un malheur, lorsqu'on est touché par une difficulté, par une épreuve, le fait de chercher refuge auprès d'Allah, le fait de chercher ici tranquillité, apaisement à travers la prière. Et donc de prier. Donc regardez Ibrahim alayhi salam. C'est une épreuve terrible. Il était impuissant. Il ne pouvait rien faire Ibrahim alayhi salam face à ce tyran. Si ce n'est revenir et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui, il priait et son épouse Sarah, elle, a cherché refuge, protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque ce roi, la tyran, essayait de s'approcher de Sarah pour attenter à sa pudeur, en quelque sorte, il se paralysa. Il ne pouvait plus faire de mouvement. Tout son corps était comme paralysé. Il ne pouvait rien, il ne pouvait plus s'approcher d'elle. Il ne pouvait pas s'approcher d'elle. À ce moment-là, lorsqu'il vit cela, il demanda à Sarah, le roi dit à Sarah, « Réinvoque ton Seigneur et je te laisserai tranquille. » réinvoque et je te laisserai tranquille. Alors elle a réinvoqué et ensuite il se déparalysa, si on peut dire de la sorte. Mais ensuite, lorsqu'il a retrouvé son état normal, il a réessayé encore de s'approcher de Sarra pour attenter à sa pudeur. Et donc, il s'est rapproché d'elle pour attraper Sarra. Et à ce moment-là, lorsqu'il revint vers elle, alors elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est arrêté. Il n'a pas pu s'approcher d'elle. Il est devenu paralysé. Il s'est reparalysé. Encore une fois. Et de là, il demanda encore une fois à Sarra d'invoquer encore une fois, et que si elle invoque plutôt, alors il la laisserait. Et là, Sarra, il est rapporté qu'elle a réinvoqué. Donc là, vous avez vu, à trois reprises. Et ensuite, lorsqu'il vit qu'il ne pouvait rien contre elle, et lorsqu'il vit cela, ce roi tyran, qui ne pouvait pas attenter à sa pudeur, et qui ne pouvait rien contre elle, et qu'à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, eh ben, il se paralysait. Alors, de là, il l'a laissé et il est rapporté dans l'histoire ensuite qu'il lui a donné une servante. Il lui a dit « Retourne avec cette servante ». Et cette servante qu'il lui a laissée, elle s'appelait Hajar. Et c'est pour ça que ça, c'est un événement très important de la vie d'Ibrahim, car c'est de là que Sarra a eu Hajar. Et Hajar ensuite aura un rôle exceptionnel, comme on va dire, dans l'histoire. Dans l'histoire ensuite de toutes les générations qui vont venir jusqu'à aujourd'hui, pour les musulmans et toute l'histoire des croyants, Hajar va jouer un rôle exceptionnel, comme vous connaissez l'histoire et qu'on relatera, Inch'Allah. Donc ça fait partie des événements. Et lui, Ibrahim, ensuite lorsqu'elle revint, certains spécialistes, historiens, disent que lorsque Sarra revint, elle trouva Ibrahim en prière. En prière, regardez, Ibrahim, lui, priait Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle revint avec Hajar. Plus tard, c'est pour ça que plus tard, il est rapporté parmi les faits, les événements de la vie d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il était en Palestine, puisqu'on a dit plus tard ensuite, Ibrahim s'était installé, donc Ibrahim vivait en Palestine. Donc il était avec son épouse Sarra, et il y avait Hajar qui était avec eux. Et Sarra, comme on l'a dit, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est pour cela qu'ensuite, Sarra proposa à Ibrahim de se marier avec Hajar. Donc elle lui donna Hajar, sa servante, elle lui proposa de se marier avec elle. Et de là, Ibrahim se maria avec Hajar et ils eurent Ismaïl. Alayhi salam, wa alayhi salam, que la paix soit sur les deux. Et Ismaïl aussi deviendra prophète messager, aussi comme on le relatera dans ce qui va suivre. Un événement, donc on relatera que ensuite, lorsqu'ils eurent Ismaïl, ensuite Sarra fut éprise, touchée d'une profonde jalousie envers Hajar. Du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle fut touchée, éprise d'une grande jalousie, et Ibrahim alayhi salam ensuite eut cette révélation de la part d'Allah de prendre Hajar et de l'emmener dans une autre contrée, dans une autre région du monde, comme on le relatera lorsqu'il a emmené Hajar et le bébé qui était Ismaïl, son enfant, il l'a emmené dans cette terre désertique, dans la péninsule arabique, qui était en l'occurrence la Mecque. Et en ce temps, il n'y avait rien. Point de végétation, point d'habitants, point d'eau, rien. Une terre désertique, aride, il n'y avait rien. Et lui, Ibrahim, avait l'ordre de laisser son épouse Hajar à cet endroit. Sarra, elle n'avait pas d'enfant, donc Ibrahim il va poser Hajar et Ismaïl à la Mecque, mais Sarra n'avait pas d'enfant. C'est bien plus tard, alors qu'elle arrivera à un âge avancé, plus tard, que Allah Jalla wa Ala enverra des anges. Donc ça, c'est un fait qui va se produire plus tard, alors que Ibrahim arrivera à un âge avancé, et que Sarra aussi arrivera à un âge avancé. Alors un jour, Ibrahim aura la visite de trois étrangers, de trois passants, des gens qu'ils ne connaissaient pas. Trois personnes viennent à lui. Et lui ne les connaissait pas, ces trois personnes. Ces gens qui n'étaient pas connus parmi les habitants. Alors ces trois personnes vinrent à lui et ils n'avaient pas de traces de voyage. Aucun effet. Aucun indice de cela. Et ces hommes, ensuite, se présentèrent à Ibrahim. Et ces hommes, lorsqu'ils se sont présentés à Ibrahim, alayhi salam, trois hommes, alors Ibrahim était connu pour son hospitalité. C'était quelqu'un de vraiment qui était connu pour l'hospitalité et quelqu'un qui aimait justement faire hospitalité. Et donc Ibrahim ensuite les a fait rentrer chez lui. Il a fait rentrer ces trois hommes chez lui. Et sans attendre, sans hésitation, ensuite Ibrahim s'en alla et immola un veau. Immola une bête. بِعِجَلٍ حَنِيذ بِعِجَلٍ حَنِيذ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجَلٍ حَنِيذ. Et comme il nous est mentionné dans le verset, que peu après, il ne se fut pas attendre, il leur servit un veau rôti. Donc il leur servit du veau. Donc, ces invités qui étaient là, qui étaient assis auprès d'Ibrahim, il leur servit cette viande. Et regardez l'hospitalité d'Ibrahim, hein, sans hésitation, il ne s'est pas fait attendre pour leur servir cette viande, comme il est mentionné dans le verset de traduction relative, un veau, du veau rôti. Et là, lorsqu'il leur posa ce plat, alors il leur donna, et eux n'ont pas mangé de cela. Ils n'ont pas répondu à son invitation. Ils ne mangeaient pas. Et lui, espérant qu'ils mangent, en attendant cela, eux ne faisaient pas honneur au plat. Et lui espérait qu'il mange. Donc certains historiens dans l'histoire, dans l'interprétation, disent qu'il leur tendait à manger, mais eux n'acceptaient pas et ne mangeaient pas. Et donc là, Ibrahim a été pris par une peur. Imaginez-vous dans une situation, des gens qui se présentent, vous leur donnez hospitalité, ils rentrent, vous leur faites hospitalité, à un moment donné, vous leur servez à manger et eux ne veulent pas manger. Ils ne mangent pas. Donc là, à ce moment-là, la personne peut penser à tout. Et là, il peut s'imaginer toute chose. À ce moment-là, la personne peut s'imaginer plein de choses. Mais pourquoi sont-ils venus? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je leur fais hospitalité, je les ai rentrés dans ma maison, je les ai fait rentrer dans ma maison, mais ils ne veulent pas manger. Donc là, la personne peut penser et s'imaginer plein de choses. Et différentes choses. Et là, Ibrahim, pour cela, il est rapporté dans le verset, dans le passage, dans le Coran, donc c'est des versets à méditer, qu'il fut épris par une peur. Par une peur. Et là, c'est là qu'il fut dit à Ibrahim, « La takhaf. N'aie pas peur. La takhaf. N'aie pas peur. Pourquoi ?« Qalou la takhaf. » Parce qu'ils lui dirent, « Nous sommes certes des messagers. » Nous sommes certes des messagers. C'est-à-dire que c'était des messagers de la part de son Seigneur. Inna ursilna ila qawmi Lut. Nous sommes certes des messagers qui ont été envoyés vers le peuple de Lut. Donc ils lui font part que ce n'est pas pour lui, mais qu'il ne craint pas. Ce sont juste des messagers de son Seigneur qui ont été envoyés vers le peuple de Lut. Et donc là, on comprend que c'était des anges. Des anges. Et beaucoup d'exégèses nous disent que ces anges-là, c'était trois anges qui sont venus en apparence d'hommes, pas en apparence d'anges, mais en apparence d'hommes. Et beaucoup disent, hein, dans l'exégèse, que ces trois anges, c'était Jibril, ou Israfil, ou Mikaïl. Donc les trois anges, imaginez-vous, parmi les anges rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc trois anges, Jibril, ou Israfil, ou Mikaïl. Et là, ils sont venus, justement, ils ont été envoyés contre le peuple de Lot, de la part de leur Seigneur. Et là, lorsqu'ils dirent à Ibrahim, « Qalou la takhaf, n'aie pas peur, nous sommes juste des envoyés, nous avons été envoyés vers le peuple de Lot. » Alors l'épouse, la femme Sarah de Ibrahim, était dans la maison. Elle était dans la maison, et vous savez, à l'époque, les maisons étaient étroites et les maisons étaient petites. Donc, il nous est dit que la femme d'Ibrahim se tenait à côté, dans un endroit de la maison. Donc, elle se tenait à côté et elle entendait donc la conversation entre Ibrahim et ses anges. alayhim salam, qu'Allah leur accorde paix à eux tous. Et donc ces anges, à la base, qui sont venus avec l'allure d'hommes et qui n'ont pas mangé de ces mets, pourquoi? Parce que les anges ne mangent pas. Les anges sont créés de lumière et ils ne mangent pas. Et donc l'épouse de Ibrahim, lorsqu'elle a entendu cela, alors elle s'est mise à rire, comme il nous est mentionné dans le verset. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Et donc, alors qu'elle se tenait dans un coin de la maison, elle a entendu donc cette conversation, elle s'est mise à rire. Ils l'entendirent rire, et c'est là que les anges lui a annoncé la venue d'un enfant, Isaac. Il lui a annoncé la venue d'un enfant prochain qui est Ishaq, alayhi salam, qui sera lui aussi prophète. Et après lui, il lui a annoncé aussi Yaqub. Il lui a annoncé après lui Yaqub. Donc c'est cet épisode-là, cet événement-là, à ce moment-là qu'il fut annoncé à Sarah qu'elle aura un enfant, qu'elle aura un enfant. Et là, Sarah s'écria: moi, avoir un enfant à mon âge si avancé, et alors que mon mari, que voici, est un vieillard. Donc vous avez vu, alors qu'ils étaient arrivés à un âge avancé, alors que elle, par rapport à cette situation, par rapport à son âge, et par rapport à la situation de son mari, qui était devenu assez vieux, alors elle dit, cela serait vraiment une chose étrange. Alors les envoyés lui répliquèrent: comment peux-tu t'étonner de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, ô habitants de cette demeure. Allah, Jalla wa Ala, regardez ce qu'ils lui disent. Les anges lui disent, lorsque elle dit « Inna hada la shay'un ajib », elle dit, mais c'est quelque chose vraiment d'étonnant, à mon âge, j'aurai un enfant. « Qalu atajabina min amrillah » Est-ce que tu t'étonnerais de l'ordre d'Allah, atajabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlul bayt. Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, aux gens de cette demeure. Innahu hamidun majid. Innahu hamidun majid. Regardez la réaction de Ibrahim alayhi salam. Cette réaction étonnante. Lorsque Ibrahim fut remis de sa peur, Allah jalla wa ala nous dit: lorsque Ibrahim, فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Et là, Allah Jalla wa Ala nous informe au sujet d'Ibrahim, il dit: et lorsque Ibrahim fut remis de sa peur, فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى, et que la bonne nouvelle, cette annonce lui fut annoncée de la venue de cet enfant, alors il se mit à plaider devant nous la cause du peuple de Lot, puisque ses envoyés étaient envoyés vers le peuple de Lot, donc pour le châtiment. Et là, Ibrahim, regardez, Ibrahim commença à plaider la cause du peuple de Lot et commençait à essayer, malgré, vous avez vu, l'injustice du peuple de Lot, malgré la turpitude dans laquelle à quoi s'adonnait le peuple de Lot, la turpitude qu'il commettait, malgré le mal qu'il faisait. Eh bien, Ibrahim parlait en leur faveur, que peut-être il fallait peut-être leur laisser du temps, que peut-être il parlait en leur faveur. Et c'est là qu'Allah Jalla wa Ala va nous décrire Ibrahim alayhi salam. Et là, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il nous décrit Ibrahim, Subhanahu wa Ta'ala, Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Regardez cette description qu'Allah Jalla wa Ala nous fait de Ibrahim. Alors que Ibrahim essayait de plaider la cause du peuple de Lot, Allah Jalla wa Ala nous dit: Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Et certes, Ibrahim était doux, compatissant et enclin au repentir. Et enclin au repentir. Regardez ça, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Ya Ibrahim, a'rid an hada. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim: ô Ibrahim, écarte-toi de cela. Innahu qad ja'a amru rabbik. Certes, l'ordre de ton Seigneur est venu. Wa innahum آتيهم عذاب غير مردود. Et là, Allah Jalla Wala dit à Ibrahim, et un châtiment irrévocable doit les frapper. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. Donc un châtiment qui est irrévocable doit inéluctablement les toucher. Et donc on va se quitter sur cela et on continuera inshallah sur la suite de ces événements dans une prochaine assise. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.